Ok. J'ai vie en deux minutes. On est pour ça. Ok, my dear. Chérie, on a la baraka, c'est le bon Dieu, on mérite. Dubaï ou Malaga, pour tripper, on hésite. Depuis tout petit, on était kamikaze. Poker ou Ralia, tu on se tue au quart. Ce soir, le poteau, il s'est tué au jack. C'est tous des bâtards, ouais, qu'ils aillent tous au jack. Ils m'ont interpellé. Les bâtards, ils veulent me mettre le bracelet. Je me rappelle, on s'était croisés dans l'allée. Tu m'avais dit, laisse tomber, je dois m'en aller. Rapta, j'ai bu que de potions. À l'aise dans le cas de motion. T'inquiète, j'ai toutes les options. Wesh le cas. J'ai vie.